que ce n'est pas la première fois qu'au bout d'une heure elle n'est toujours pas là. Un autobus vient, ce n'est que le 15e. Personne ne descend à l'arrêt Birakeim. La dernière fois déjà, il tombait des cordes. Tu avais planté ton vélo dans le décor. Vouloir toujours jouer au plus fort avec cette fille qui te donne tous les torts. Un autobusien, ce n'est que le 16e. Personne ne descend à l'arrêt Birakeim. Rappelle-toi que ce n'est pas la première fois qu'au bout d'une heure elle n'est toujours pas là. La dernière fois déjà il tombait des cordes. Tu avais planté ton vélo dans le décor.